بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Nous continuons l'explication du livre Riyad al-Salihin écrit par Al-Hafidh al-Nawawi Rahimahullahu ta'ala. Et bifadlillahi subhanahu wa ta'ala, nous avons terminé le premier chapitre concernant al-ikhlas wa niyya, et nous allons débuter le deuxième chapitre insha'allahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu at-tawba. Qala al-ulama التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط أحدها أن يقلع عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. Donc deuxième chapitre concernant at-tawba, qu'on peut traduire par le repentir, chapitre du repentir. Et Al-Hafidh al-Nawawi mentionne donc en disant, commence ce chapitre en disant, les savants ont dit at-tawba, le repentir est obligatoire pour chaque péché. Et si la désobéissance est entre le serviteur et entre Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle n'a pas de rapport avec les droits d'un être humain, alors ce repentir, cette tauba, elle a trois conditions. La première, qu'il arrête immédiatement ou qu'il cesse immédiatement ce péché ou cette désobéissance. Deuxièmement, qu'il regrette ce qu'il a fait. Et troisièmement, qu'il ait la ferme conviction de ne jamais retourner à cette désobéissance. Si une de ces trois conditions est absente, alors la tauba, son repentir, n'est pas accepté. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا أو نهوه رده إليه وإن كانت حد قذف ونحوها مكنه منه أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعدها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. Ensuite il dit Al-Hafidh al-Nawawi, si cette désobéissance concerne un être humain, alors, ces conditions à se repentir est de, ou les conditions de se repentir est de 4 et non plus de 3. Donc ces 3 qu'on a citées précédemment, les 3 conditions qu'on a citées précédemment, également qu'il s'acquitte du droit de la personne qu'il a lésé ou qu'il a été touché par cette désobéissance. Si par exemple ça concerne de l'argent ou autre, hein, il doit lui rendre. Si par exemple hein, ça concerne hein, le jugement concernant par exemple le fait d'accuser faussement un croyant, une croyante de fornication ou autre, hein, alors il doit l'en informer et il doit demander son pardon. Si par exemple hein, il a fait de la médisance sur lui, hein, il doit hein, le voir pour qu'il lui pardonne. Et il est obligatoire de se repentir de tous ses péchés. Et s'il se repent de certains de ses péchés, alors se repentir pour ceux-là, pour ces péchés-là, est accepté, hein, selon les gens de la vérité. Et le reste de ses péchés reste sur des péchés. D'accord ? وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Et donc Al-Hafidh al-Nawawi termine cette introduction concernant At-Tawba en mentionnant que hein, les indications dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon le consensus hein, de la communauté sur l'obligation de la tauba, du repentir, hein, tout ceci est manifeste, est présent. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne hein, dans Surat An-Nur, il dit « Et repentez-vous tous à Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les croyants, et ainsi vous atteindriez hein, le succès ». Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également dans Surat Hud et demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, repentez-vous vers lui. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat At-Tahrim, vous qui croyez, repentez-vous hein, à Allah d'un repentir sincère. Hein, donc on voit ici les preuves du Coran concernant le repentir. Et ensuite l'imam, le Moussannif, Al-Hafid al-Nawawi, va mentionner les preuves ou certains hadiths sur le sujet. Mais on va déjà expliquer cette partie. قال الشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التوبة التوبة لغة من تاب يتوب إذا رجع. Donc il commence Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله تعالى à expliquer donc ce chapitre. Il dit que l'auteur mentionne chapitre de la ou de repentir, التوبة. Il dit التوبة dans la langue arabe, ça vient du verbe تاب au ماضي, au passé, yatoubou, au présent, d'accord, qui veut dire raja'a, revenir. Wa shar'an ar-ruju' min ma'siyati Allah ta'ala ila ta'atihi. Ar-ruju' min ma'siyati Allah ta'ala ila ta'atihi. Il nous dit que dans la législation, at-tawba c'est quoi? C'est le retour de la désobéissance à Allah Azza wa Jal vers son obéissance. Wa a'zamuha wa awjabuha at-tawbatu min al-kufr ila al-iman. Et la plus exceptionnelle ou le plus exceptionnel des repentir, hein, celui qui est plus obligatoire, c'est le fait de se repentir de la mécréance pour la foi, pour al-iman. Qala Allahu ta'ala قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها التوبة من الكبائر كبائر الذنوب. الله عز وجل mentionne dans son Coran au sens approché dit à ceux qui ont mécru hein, de cesser et hein, ils seront pardonnés ce qu'ils ont fait précédemment. Et ensuite après le repentir de la mécréance vers la foi, il y a le repentir des grands péchés. Des grands péchés. ثم المرتبة الثالثة التوبة من صغائر الذنوب. Ensuite le troisième degré. Donc le premier degré c'est le repentir de quoi? De la mécréance, du kufr et du shirk. Naam. Ensuite deuxièmement le repentir de quoi? Des grands péchés. Et on a vu dans le cours de fiqh hein, comment on reconnaît un grand péché dans les textes. Il y a un certain nombre d'indications comme le fait qu'il y a un châtiment sévère, comme le fait qu'il y a la malédiction d'Allah sur cette personne qui fait telle chose, comme le fait qu'il y a une sentence bien précise dans la législation, etc. Et le troisième degré dans le repentir, c'est le fait de se repentir des petits péchés. وَالْوَاجِبْ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ. Et il est obligatoire pour la personne, pour l'individu, de se repentir auprès d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, de tous ses péchés. وَلِلْتَوْبَ شُرُوطٌ ثَلَاثَةٌ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَكِنَّهَا بِالتَّتَبُّعْ تَبْلُغُ إِلَى خَمْسٍ وَإِلَى خَمْسَةٍ. Le repentir a trois conditions comme a été mentionné par l'auteur yani Al-Hafidh al-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Mais ici, Cheikh Al-Uthaymin dit après réflexion et après avoir suivi hein, l'épreuve, on se rend compte que les conditions arrivent à combien ? À 5. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, va nous détailler ces 5 conditions. الشرط الأول الإخلاص لله بأن يكون قصد الإنسان بتوبته وجه الله وجه الله pardon عز وجل وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما فعل من المعصية لا يقصد بذلك مراءة الناس وتقرب إليهم ولا يقصد بذلك دفع الأذية من السلطات من السلطات pardon وولي الأمر. Donc la première de ces conditions, c'est al-ikhlas lillah, le fait de vouer son culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et que l'intention de la personne dans sa tauba, dans son repentir, c'est uniquement la recherche hein, du visage d'Allah Azza wa Jal, et que Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir et qu'il hein, efface ce qu'il a fait comme péché, comme désobéissance. Il ne veut pas, par sa taouba, il ne cherche pas hein, le regard des gens. Il ne cherche pas à se rapprocher des gens. Ou il ne cherche pas à repousser un mal qui pourrait venir, par exemple, hein, du gouverneur. وَإِنَّمَا يَقْصِدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ وَنْ يَعْفُوَ اللَّهِ عَنْ ذُنُوبِهِ. Mais plutôt, il recherche quoi ? Il recherche le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il recherche la demeure dernière, hein, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. الشرط الثاني الندم على ما فعل من المعصية لأن شعور الإنسان بندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة. La deuxième condition pour que le repentir soit accepté, c'est le regret. Le regret d'avoir fait cette désobéissance. Car les sentiments de la personne par le regret, c'est ça qui va indiquer qu'elle est sincère, qu'elle est véridique dans son repentir. بمعنى أن يتحصل على ما سبق منه وينكسر من أجله ولا يرى أنه في حل منه حتى يتوب منه إلى الله. يعني c'est-à-dire il regrette fortement ce qu'il a fait. Hein, il voit qu'il était dans l'erreur. Et il voit que ce qu'il faisait n'était pas permis. Et qu'il est dans une situation interdite jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, accepte son repentir. والشرط الثالث أن يقلع عن الذنب الذي هو فيه وهذا من أهم الشروط من أهم شروطه. Le troisième ou la troisième condition, mes frères, c'est qu'il cesse le péché dans lequel il est. Et ceci fait partie des plus importantes conditions. والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب ترك واجب فالإقراع عنه بفعله مثل أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله فلا بد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤدها وإذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما وإذا كان مقصرا في صلة الرحيم في صلة الرحيم فإنه يجب عليه أن يصل الرحيم. Et donc c'est quoi al-iqra, le fait de cesser le péché? Si c'est un péché dans le fait de délaisser une obligation, alors c'est quoi ici le fait de cesser, c'est-à-dire le fait de faire cette obligation. Hein, par exemple, une personne qui ne sort pas sa zakat, une personne qui est éligible à payer la zakat, mais elle ne la sort pas. Puis, elle veut se repentir auprès d'Allah. Alors, il lui est obligatoire, dès à présent, de sortir la zakat. Et c'est de sortir la zakat de ce qui est passé auparavant, qu'il a raté, qu'il a laissé volontairement. Si, par exemple, une personne... Hein, fait preuve de laxisme ou fait preuve de manquement dans l'obéissance aux parents et il veut se repentir, il est donc obligatoire qu'il mette directement en application l'obéissance aux parents et la bienfaisance envers les parents. Si une personne fait preuve ou faisait preuve de manquement dans le fait d'entretenir les liens de parenté avec la famille proche, alors s'il veut se repentir, il est obligatoire qu'il mette en application hein, l'entretien des liens de parenté. وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا لحظة. Mais par contre, si sa désobéissance était dans le fait de faire une chose haram, interdite. La première, c'est quoi? Il a délaissé une obligation. Donc, c'est quoi la tawbah? C'est de refaire l'obligation directement. Mais là, c'est l'inverse. Il fait une interdiction. C'est quoi ici? Hein, al-iqra', c'est le fait d'arrêter totalement cet interdit hein, directement. Fawran, directement. Et qu'il ne doit pas rester dans ce péché même une fraction de seconde. فإذا كانت من أكل الربا مثلا فالواجب أن يتخلص من الربا فورا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا. Donc par exemple, son péché, c'était quoi sa désobéissance? Hein? Il amassait ou il mangeait l'argent de riba, des intérêts. Donc il est obligatoire pour lui de se débarrasser directement de ses intérêts, de ses riba, directement, sans attendre. Il les délaisse et il s'écarte de cela. Et il sort, il enlève tout ce qu'il a gagné hein, par l'intermédiaire de ses intérêts. وإذا كانت المعصية بالغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة فالواجب عليه أن يقلع عن ذلك. إسي وإذا كان قد اكتسب مالا من هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن يرده عفوا إلى صاحبه أو يستحله منه. Et si par exemple sa désobéissance c'était dans le fait de tricher, de tromper, de mentir, hein, vers les, auprès des gens, hein, de trahir, hein, le dépôt qu'on lui a donné, alors il est obligatoire qu'il cesse cela directement. Et tout ce qu'il a amassé comme argent par cette voie interdite, il doit s'en débarrasser. Et qu'il doit le redonner aux gens qui l'ont pris et leur demander, hein, de l'excuser de cela. Hein, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui trompe, quelqu'un qui vole des gens. وإذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس وتكلم في أعراضهم أما أن يقول إنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة. Ou alors si son péché, sa désobéissance, c'était la médisance, il est donc obligatoire qu'il cesse de médire les gens et de parler sur leur honneur. D'accord ? Donc le fait de cesser le péché, c'est soit, si c'est le délaissement d'une obligation, il la met en application directement, mais si c'est, hein, le fait de faire une désobéissance, il doit la stopper, il doit l'arrêter directement. Et si quelqu'un, hein, dit « Je me repens auprès d'Allah », mais il continue dans le fait de délaisser une obligation, il continue dans le fait de faire une interdiction, alors s'en repentir n'est pas accepté. Parce que pourquoi ? Il continue. بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل كيف تتوب إلى الله عز وجل وأنت مصر على معصيته. Mais plutôt, le shir, il nous dit ici, mais plutôt, hein, ceci est une moquerie envers Allah Azza wa Jal. Comment tu peux te repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu continues à lui désobéir? لو أنك تعامل بشرا من الناس تقول أنا تبت إليك وأنا نادم لا أعود ثم في نيتك وفي قلبك أنك ستعود وعدت فهن هذه سخرية بالرجل فكيف بالله رب العالمين. Si par exemple, hein, tu exagérais ou tu trompais, hein, une personne parmi les gens dans l'achat, dans les ventes, etc., dans tes relations avec lui, et tu lui dis après, je me repens vers toi. Hein, je regrette ce que j'ai fait. Je ne le referai plus. Mais dans ton cœur, ton intention, dans ton cœur, c'est que tu vas recommencer. Et tu recommences. N'est-ce pas que ceci, c'est comme si tu te moquais de cette personne ? Hein ? Alors que dire ? Que dire ? De le faire envers Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب. Donc la personne qui se repent véritablement, c'est celui qui cesse totalement son péché. ومن الغريب أن بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوه من وجود الربا وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله أو يتأوه من الغيبة وأكل اللحوم الناس وهو من أكثر الناس غيبة نسأل الله العافية أو يتأوه من الكذب وادياع الأمانة في الناس وهو من أكذب الناس وأدعيهم للأمانة. Il dit, et ce qui est étonnant, c'est que certaines personnes, tu t'assois avec elles, et tu vois que cette personne, elle se plaint du fait que dans le pays, il y a des intérêts. Hein. Il se plaint de cette chose, arriba, est propagée partout. Et en même temps, lui, il a recours aux intérêts. Tu vois, il se plaint de quoi? De la médisance. Il se plaint du fait de manger la chair des gens. Parce que comme Allah Azza wa Jalla nous a dit, hein, le fait de médire une personne, c'est comme le fait de manger sa chair. Tu vois, cette personne, elle se plaint de ça. Hein? Peut-être parce que ça lui arrive à lui-même. Il se plaint de ça. Et tu vois, c'est une des personnes qui médit le plus les gens. Qu'Allah nous préserve de cela. Tu vois une personne, elle se plaint du mensonge. Hein? Elle se plaint du fait de trahir le dépôt qu'on lui a laissé. Hein? Et tu vois que c'est le plus menteur des gens. Et celui qui trahit le plus le dépôt des gens. Subhanallah. Regardez autour de vous. Des gens, hein, qui se plaint de telle ou telle chose, de tel ou tel, hein, péché. Et tu vois que c'est la personne qui fait le plus ce péché. Subhanallah. Ala kulli hal, al-insanu la budda أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه فإن لم يقلع فتوبته مردودة ولا تنفعه عند الله عز وجل. Quoi qu'il en soit, nous dit le Cheikh, la personne, il est obligatoire qu'elle cesse le péché pour lequel elle a fait tauba, elle s'est repentie. S'il ne cesse pas, alors sa tauba, elle est quoi? Elle est réfutée, elle est rejetée. Elle ne lui profitera en rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْإِقْلَاعُ عَنِ الذَّنْبِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ إِقْلَاعًا عَنْ ذَنْبِ يَتَعَلَّقْ فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَذَا يَكْفِي أَنْ تَتُوبَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَبِّكَ وَلَا يَنْبَغِي بَلْ قَدْ نَقُولْ لَا يَجُوزْ أَنْ تُحَدِّثَ النَّاسِ بِمَا صَنَعْتَ مِنَ الْمُحَرَّمِ أَوْ تَرْكِ الْوَاجِبِ لِأَنَّ هَذَا بَيْنِكَ لأن هذا بينك وبين الله فإذا كان الله قد من عليك بالستر وسترك عن العباد فلا تحدث أحدا بما صنعت إذا تبت إلى الله. Ça, c'est très important. Donc on a dit que le fait de cesser le péché, hein, ça peut être soit il cesse un péché, hein, qui est en rapport avec le droit d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, il te suffit de te repentir entre toi et ton Seigneur. Et il n'est pas impératif, plutôt le shirk, il n'est pas permis que tu mentionnes aux gens ce que tu as fait comme interdit, comme désobéissance, ou ce que tu as délaissé comme obligation. Car ceci est entre toi et Allah Azza wa Jal. Et donc si Allah Azza wa Jal t'a fait don de ses faveurs en te couvrant, en te cachant des gens dans ton péché, hein, il t'a caché des autres dans ce que tu as fait, alors tu ne dois pas informer quelqu'un de cela. Tu ne dois pas informer une personne du moment que tu t'es repenti auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين ومن المجاهره كما جاء في الحديث ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا il a akhiri. Et le shir mentionne ici la preuve de ce qu'il avance, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim. dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute ma communauté sera pardonnée excepté les mujahirin. C'est qui les mujahirin, hein? Comme il est rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique c'est quoi. Il a dit c'est celui, hein, l'homme qui œuvre la nuit d'une œuvre, yani d'une œuvre interdite, d'un péché. Puis au petit matin, alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a caché des gens, il l'a couvert. Hein? Au petit matin, il dit, oh un tel, hein, j'ai fait ça hier soir, j'ai fait telle ou telle chose. Ça c'est al-muhajirin ou al-muhajirun, al-mujahirun. إلا أن بعض العلماء قال إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد فإنه لا بأس أن يذهب إلى الإمام الذي يقيم الحدود مثل الأمير ويقول إنه فعل الذنب الفلاني ويريد أن يطهره منه ومع ذلك فالأفضل أن يستر على نفسه هذا هو الأفضل. Il dit cependant le shir, certains savants, hein, ont mentionné que si la personne a fait un péché dans laquelle il y a une sentence particulière, il va donner un exemple après, alors il n'y a pas de mal à ce que cette personne va voir, hein, le gouverneur, celui qui applique les sentences, hein, et il lui dit j'ai fait tel péché, afin qu'il lui purifie, afin qu'il lui purifie comment ? En appliquant la sentence sur lui. Mais Cheikh Al-Uthaymin dit, malgré cela, le meilleur, hein, c'est qu'il reste, qu'il se cache, qu'il cache sa propre personne, et qu'il ne dévoile pas son péché. Ceci est meilleur. يعني يباح له أن يذهب إلى ولي الأمر إذا فعل معصية فيها حد كالزنا مثلا فيقول إنه فعل كذا وكذا يطلب إقامة الحد عليه لأن الحد كفارة. Il dit donc qu'il est permis, hein, qu'il aille voir le gouverneur, hein, s'il a fait une désobéissance dans laquelle il y a une sentence particulière. Comme quoi, par exemple, la fornication. Comme la fornication. Donc il va voir le gouverneur et il lui dit j'ai fait telle ou telle chose. Il demande à ce qu'on lui applique quoi ? On lui applique la sentence pour lui. Pourquoi ? Pourquoi il demande ça ? Hein, parce que le fait d'appliquer la sentence dans cette dunya, c'est une purification du péché. Ça te purifie du péché. Ça te quoi ? Ça te purifie du péché. Hein, comme il y a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec qui ? Avec Al-Ramidiyya, cette femme qui est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et qui lui a mentionné qu'elle avait fait la fornication, ou Maïs, également un homme qui était voir le professeur Lem, il a informé qu'il a fait la fornication afin d'être purifié dans cette dunya de ce péché. Amma al-ma'asi al-ukhra fasturha ala nafsik kama sataraha Allah wa kadhalika az-zina wa shibhuhu usturha usturhu pardon ala nafsik binisbati li ghayli wali al-amr. لا تفضح نفسك ما دمت أنك قد تبت فيما بينك وبين الله تعالى فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Mais quant au péché, aux autres péchés, alors couvre ta propre personne, cache ta propre personne, hein? Et même il dit même la fornication et autres. Couvre ta propre personne. Hein? Concernant ni autre que le gouverneur. D'accord ? Si c'est un gouverneur, bien sûr, qui applique les lois de l'islam. Hein? Ne va pas dire aux autres. Allez, cache-toi. Cache ta propre personne. Tant que tu t'es repenti et que ceci est entre toi et Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de ses serviteurs et il pardonne les péchés. Amma idha kana adh-dhanb baynaka wa bayna al-khalq fa in kana malan fala budda an tu'addiyahu ila sahibihi wa la tuqbal at-tawba illa bi ada'ihi. مثل أن تكون قد سرقت مالا من شخص وتبت من هذا فلا بد أن توصل المسروق إلى المسروق منه. Quant au péché qui est entre toi et une créature, un être humain, si c'est concernant l'argent, par exemple, ou un bien, alors il t'est obligatoire de rendre un seul bien ou cet argent à son propriétaire. Et ta tauba ne pourra pas être acceptée jusqu'à ce que tu lui aies rendu. Comme par exemple, qu'Allah nous en préserve, tu as volé de l'argent à une personne. Et ensuite tu t'es repenti de cela. Il t'est obligatoire de ramener ce que tu as volé à la personne que tu as volé. أوجهت حقا لشخص كم يكون في ذمتك دين لإنسان وأنكرته ثم تبت فلا بد أن تذهب إلى صاحب الدين الذي أنكرته وتقر عنده وتعترف حتى يأخذ حقه فإن كان قد مات فإنك تعطيه ورثته فإن لم تعرفهم أو غاب عنك هذا الرجل ولم تعرف له مكانا فتصدق به عنه تخلصا منه والله سبحانه وتعالى يعلمه ويعطيه إياه. Ou alors si tu as renié un droit d'une personne, comme par exemple tu avais une dette envers une personne et ensuite tu l'as renié, non, j'ai pas de dette envers toi. Hein? Ensuite, tu regrettes et tu te repens. Hein? Alors, il t'est obligatoire d'aller voir cette personne et de lui rendre sa dette. Hein? Et de lui dire et d'affirmer et d'avouer que tu lui as pris son argent et sa dette et que c'était son droit. Hein? Si cette personne est morte, imagine-toi, tu as pris dette vers une personne. Il t'a demandé l'argent, tu dis, moi, tu ne m'as rien prêté. Puis après des années, tu regrettes, tu dis, Subhanallah, il faut que je lui rende son argent. Tu vas le voir, on te dit, il est mort. On te dit, il est mort. Alors, tu donnes l'argent à qui? À ses héritiers. À ses héritiers. Si tu ne sais pas qui ils sont, tu ne sais pas où ils sont, ou alors cet homme, il a disparu, tu ne le retrouves pas, tu ne sais pas où il se trouve, comment tu fais? Alors, Naam, tu donnes en sadaqa la somme que tu lui dois en son nom afin de te débarrasser de cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait qui il est et il lui donnera, inshaAllah. أما إذا كانت المعصية التي فعلتها مع البشر ضربا وما أشبهه فاذهب إليه ومكنه من أن يضربك مثل ما ضربته. إن كان على الظهر فعلى الظهر وإن كان على الرأس فعلى الرأس أو في أي مكان ضربته فليقتص منك لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ولقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Et si le péché que tu as fait envers une autre personne est le fait de l'avoir frappé ou quelque chose de semblable. Avant, c'est quoi? On a pris son argent, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a fait? On a refusé ou on a renié un droit qu'il avait sur nous. Troisièmement, tu l'as frappé ou quelque chose qui y ressemble. Donc si tu regrettes, tu dois retourner vers lui, affirmer ce que tu as fait, et tu dois le laisser te frapper comme tu l'as frappé. S'il a frappé ton dos, si tu as frappé son dos, pardon, il frappe ton dos. Si tu as frappé sa tête, il frappe ta tête. L'endroit où tu l'as frappé, alors lui, il applique la même chose sur toi. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et la rétribution d'une mauvaise action, c'est une mauvaise action. Pareil, bien sûr, vous avez compris, là on parle de Al-Qisas, le fait de frapper là où il a frappé, etc. C'est pas quelqu'un il t'a volé, tu vas le voler. Non, c'est pas ça, attention. Hein? Quelqu'un t'a menti, tu vas le mentir. C'est pas ça qui est voulu ici, attention. Ça y est, vous avez compris ? وإن كان بقول أي أذية بالقول مثل أن تكون قد سببت أمام الناس ووبخته وعيرته فلا بد أن تذهب إليه وتستحل منه بما تتفقان عليه حتى لو قال لا أسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فأعطيه. Et si hein, ce préjudice que tu lui as fait, c'est avec la parole. Tu as fait un préjudice avec la parole. Comme par exemple, hein, tu l'as insulté devant les gens. Hein, ou alors, hein, tu l'as diminué devant les gens. Hein, ou tu l'as hein, dénigré devant les gens. Alors, il t'est obligatoire d'aller le voir et de lui demander qu'il te pardonne. Hein, qu'il t'excuse. Hein, et qu'il te permette de réparer cela. Hein? Même si il te dit je ne te pardonne pas excepté si tu me donnes tant comme argent, alors tu dois lui donner, alors tu lui donnes, avant de faire l'aden on finit juste le quatrième, hein, le quatrième point, الرابي أن يكون الحق غيبة يعني أنك تكلمت به في غيبته وفي غيبته وقدحت فيه عند الناس وهو غائب. Quatrièmement, c'est que tu as fait preuve de quoi? De médisance. Tu avais preuve de médisance sur lui. D'accord? C'est-à-dire hein, que tu as parlé sur lui en son absence. Tu as parlé sur lui en son absence. C'est la quatrième condition. Non, c'est pas les conditions là. On est toujours dans les exemples hein, de ce que tu peux faire. De péché envers une créature. On a dit la première, tu prends son argent ou ses biens. La deuxième, on a dit c'est quoi? La deuxième, on a dit c'est que tu refuses ou renies un droit sur qu'il a sur toi. La troisième, c'est que tu as causé un préjudice comme une frappe, etc. Un quatrième, c'est quoi? C'est que tu as fait preuve de médisance envers lui. Tu as parlé sur lui, hein, tu l'as dénigré en son absence. Ici, les savants ont divergé et on va voir la divergence après l'adhan, inshallah. Taïb, on termine juste ce petit paragraphe. فَهَذِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَذْهَبَ إِلَيْهِ وَتَقُولْ لَهُ يَا فُلَانِ إِنِّي تَكَلَّمْتُ فِيكْ عِنْدَ النَّاسِ فَأَرْجُوكَ أَنْ تَسْمَعَ عَنِّي وَتُحَلِّلَنِي. Donc les savants ont divergé dans ce cas de figure concernant la médisance sur une personne en son absence. Certains ont dit il t'est obligatoire d'aller voir la personne et tu lui dis oh un tel, ya Abdullah, j'ai parlé sur toi devant les gens et j'espère que tu me pardonneras et que tu m'en prendras pas compte. وقال باب العلماء لا تذهب إليه بل فيه تفصيل فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله وإن لم يكن علم فلا تذهب عفوا فإن كان قد نعم وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها فإن الحسنات يذهبن السيئات وهذا القول أصح وهو أن الغيبة إذا كان صاحبها لم يعلم بأنك اختبته فإنه يكفي أن تذكره بمحاسنه في المجالس التي اختبته فيها وأن تستغفل له فلا بد في التوبة من أن تصل الحقوق إلى أهلها. Et d'autres savants ont dit quoi? Ils ont dit ne va pas vers lui, mais plutôt on détaille. Si il est au courant de cette médisance que tu as fait sur lui, Alors tu vas vers lui et tu lui demandes de te libérer et de te pardonner de cela. Alhamdulillah. Mais s'il ne sait pas, alors ne va pas vers lui. Demande pardon pour lui. Et mentionne son bon caractère. Mentionne ses qualités, mentionne son bon comportement dans les assises dans lesquelles tu le médisais, c'est-à-dire dans lesquelles tu faisais de la médisance sur lui. Car certes, les mauvaises actions sont effacées, ou certes, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Et cet avis-là, le dernier, c'est l'avis le plus juste, nous dit le Shir. Et la médisance, si celui qui est victime de cela n'est pas au courant que tu as maudit, que tu as médit sur lui, alors il te suffit de mentionner son bon caractère, son bon comportement, ses bonnes valeurs dans les assises dans lesquelles tu faisais la médisance sur lui. D'accord ? Et que tu demandes pardon pour lui. D'accord ? Et donc avec ça, on va s'arrêter. On a fini la troisième condition concernant... La troisième condition. Ah, c'est comme ça. Shir al-Thaymin, c'est comme ça. Avec Shir al-Thaymin, c'est que des tarsimètres, des catégories. Ici, il y a trois catégories. Dans la deuxième, ça se décompose en trois catégories, puis en quatre, en cinq, en six. Il faut bien suivre. C'est structuré, moi, Charles. Voilà l'importance de prendre des notes. Quand tu prends des notes, après, c'est facile de retrouver chaque catégorie, Inch'Allah. Donc on continuera la semaine prochaine avec la quatrième et cinquième condition du repentir cité par Shir. Et on terminera l'explication de l'introduction du chapitre. Et on pourra commencer avec les hadiths concernant At-Tawba. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم